Tous les matins, Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. Alors, heureuse ? Mickaël à la radio, tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio, c'est l'info en trop sur Fun Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans les infos en trop, les infos intéressantes, mais dont tout le monde se fout. Au Bénin, l'homme d'affaires Patrice Talon est accusé d'avoir voulu tuer le chef de l'État. Pour son avocat, c'est impossible, car ce jour-là, Patrice Talon avait mal aux pieds. Édouard Balladur est mis en cause dans l'affaire Karachi. Les juges soupçonnent qu'un détournement de commission ait pu financer la campagne pour la présidentielle de 1995. Dans l'affaire Karachi, Balladur est mis dans la merde. La visite est historique. Le richissime émir de Qatar, arrête de rigoler, est le premier chef d'État à se rendre dans la bande de Gaza depuis que le Hamas en a pris le contrôle. Avec tout ce que l'émir du Qatar a amassé comme argent, c'était le seul à pouvoir faire cette visite. C'est pas possible. La descente aux enfers se poursuit pour l'ancien coureur dopé Lance Armstrong. Exactement. Après avoir été déchu de ses victoires au Tour de France, Lance Armstrong pourrait devoir rembourser les primes de victoire qu'il a gagnées. Et après le Mont Ventoux, Armstrong va devoir escalader le Mont Rentoux. Et pour terminer, si vous aimez les dessins animés japonais, les testicules, regardez les épisodes de Dragon Ball Z. Mickaël à la radio. Le replay. Tous les matins. Morning Show. Réveillez-vous avec Mickaël. J'ai passé une nuit magnifique. Ouais, mais maintenant tu vas penser à partir, hein. Mickaël à la radio. Tous les matins, 6h-9h30, sur Fun Radio. Fun Radio. Oh. Et puis je vous parlais de la nouveauté Fun Radio là, à découvrir que sur Fun Radio évidemment. C'est le nouveau son de Psy. Écoutez ça. Ah. Alors ça ressemble à l'autre, c'est vrai. Oui, c'est exact. Mais c'est pas le même. Oh, pas gros de style. Je m'appelais Audrey quand j'ai fait le concours Miss Belgique. Mais depuis que je me coiffe, j'ai jamais retrouvé ma plastique. Hamburger et pizza, moi j'aime si il est gras et calorique. D'ailleurs, maintenant, je vais me faire un quick. Je m'appelle Audrey et quand j'arrive dans une friterie, je me fais acclamer par les patrons qui, grâce à moi, gagneront bien leur journée. Et même si dans ma mini, je n'arrive plus à rentrer, j'arrête pas de couper. Dans les restaurants à volonté, on ne me laisse jamais entrer. Par à Paris, je prends 3 kilos, je bouffe au McDo et les gâteaux. C'est comme les rébus, j'en consomme beaucoup trop, trop, trop. Oh, pas gros de restyle. Gros de restyle. Oh non. Oh, pas gros de restyle. Gros de restyle. Je vais essayer ça. Oh, pas gros de restyle. Rébus pour Audrey. Oh, pas gros de restyle. Red Bull pour gros de restyle. Et voilà le nouveau son, donc nouveau son Fun Radio. Nouveau son de ça y est, gros de restyle à l'instant. C'était le gros de restyle. Mon dieu. Bon, si vous voulez qu'on vous la remette, on vous la remettra tout à l'heure avant la fin de l'émission. Il suffit de demander, il n'y a pas de problème. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio. Il n'arrêtera pas la faim dans le monde. Il ne remboursera pas la dette de l'Europe. Il n'arrêtera pas les guerres. En fait, il ne changera rien. Mickaël vous sort du lit tous les matins et c'est déjà pas mal. This is Mickaël à la radio, 6h, 9h30 sur Fun Radio. Et puis, c'est parti maintenant, question existentielle avec Toff. Oui. Bon alors En fait, non. Comme notre grande gros Dre essaye de faire régime, je me suis posé la question. Qu'est-ce? Ah oui, gros Dre style. C'est elle. Ça faisait longtemps. Oh, pas gros Dre style. Et alors voilà. Donc je me suis posé une grande question à propos des régimes sans sel. Oui. Est-ce qu'on peut aller quand même nager dans la mer si on fait un régime sans sel? Oui, mais bien sûr, je comprends effectivement. Oui. Bah, je suis sûr que vous ayez compris. Bah voilà. Bon, on va appeler à Bruni. Allons-y. Voilà, Bruni des Graisses. Voilà. Par exemple, ça n'engage que toi. Non, mais c'est vrai. On y va, c'est parti. L'autre, elle fait des infos en trop là, avec des trucs pourris. Elle me fait oh là là parce que j'ai fait une vanne. Cassé. Oui, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelais parce que j'avais une petite question à vous poser. Je suis désolé monsieur là, mais vous me réveillez et en plus maintenant je dois partir donc. Ah bon? Ben peut-être que vous pouvez y répondre juste avant de partir. Oui. Voilà, en fait, je me demandais, est-ce que vous pensez que comme je fais un régime sans sel, je peux quand même aller me baigner dans la mer? Ah, excellent. Ben uniquement dans la mer morte alors. Ah oui, d'accord. Bon, ben c'est gentil, monsieur. Rien. Ah voilà, une bonne journée. Non mais déjà, ce qui est bien, c'est que le mec il dit oui, vous me réveillez et je dois partir. Oui, je sais pas comment il fait. Mais il prend pas de douche. Non, ouais. Non, c'est un crado. C'est un crado. Non, en plus j'ai un crado à brûler, donc c'est parfait. Mickaël à la radio. Le replay. Mickaël à la radio, c'est plus d'infos. Plus de météo que sur les autres radios. Demain il pleut, c'est tout. Plus de suspense que dans un jeu télé. Eh ben c'est perdu. Ah non, t'as gagné. Ouais, bon écoute, tu verras au standard, hein. Cherchez pas ailleurs. Le meilleur des réveils, c'est sur Fun. Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. On va se faire maintenant la ligne anti-relou. Les meilleurs messages laissés sur le 0473 86 003. Ouais, salut Sabrina, c'est Kevin, tu arrêtes pas de taper depuis tout à l'heure et on dirait que t'as pas envie de moi. Ça me déçoit un peu. Bah oui. Parce que moi je t'aime, voilà. Ah oui. Te dire. Ah oui, c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Deuxième message. Ouais, salut Marina, bah écoute, c'était pour te dire que j'avais vraiment passé un super moment avec toi dans la voiture, en sortie de boîte. Voilà. Aucune fille m'avait jamais fait ce que tu m'as fait dans la voiture. Allez, passe une bonne journée. Ouais, donc c'est déjà arrivé à Aline apparemment. Hein. On lui a dit oh, qu'une fille a fait ça, et puis après, bah forcément, le mec a dit ça à sa meilleure amie, donc bon, s'est rendu compte qu'il l'avait pris pour une débile quoi. Tous les matins, 6h, 6h30, c'est le replay de Mickaël à la radio sur Fun Radio. Fun Radio.